le sac trop de saisons sur nos visages et sur nos fronts aura creusé de lourds sillons de rides. Quand nos enfants ayant grandi auront abandonné le nid, laissant dans nos cœurs affaiblis le vide. Quand nos gestes seront plus lents, que nous verrons passer le temps avec un air étrangement lucide. Quand nous n'aurons plus d'avenir, nous remuerons des souvenirs, terre qui ne peut devenir aride. Quand à pas lent et incertain, nous visiterons des jardins qui, comme nos fronts, seront peints de givre. Quand au prix de milliers d'efforts, nous chercherons sans doute encore à tuer un temps déjà mort de vivre. Quand nous ne serons désormais que de cœurs liés sans projet, nous ouvrirons avec regret le livre que nous aurons au fil des ans écrit sur les pages du temps, où deux mots manqueront pour autant à suivre. Quand enfin ma vie parcourue, prête à entrer dans l'inconnu, je te regarderai perdu et blême. Quand dans ton regard je verrai que sans notre amour désarmé, tes jours ne seront plus jamais les mêmes. Quand mes yeux ne verront plus rien, que ma main cherchera ta main, à l'heure où parler sera un problème. Après avoir accepté Dieu, juste avant de fermer les yeux, encore une fois si je peux, je te dirai comme un adieu. Je t'aime.